ciel, ma cambognoso, ma bongoigné. Attends, c'est les bimina licolo, moula et gobeta li sous ce ma cambo, ma si ma bongoigné. Mama, mama. Belisusu mwinda la vie, et le peuple t'a valéré, na vinanga.